La dernière heure d'un Stradivarius par Jules de la Madeleine. Ce jour-là, Albert était en verve, ce qui lui arrivait rarement. « Je soutiens, nous dit-il, qu'il y avait de la fantaisie dans Despréaux et beaucoup. Je ne vous citerai que ce vers de lui, le seul que j'ai retenu. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. » Ce vers me servait un jour de point de départ pour toute une démonstration physiologique. Aujourd'hui, je le prendrai tout simplement pour épigraphe, si vous voulez me permettre de vous raconter ce qui m'arriva à Neuenbourg. Nous lui répondîmes qu'il pouvait parler à son aise puisque nous n'avions pas l'habitude de l'écouter. « Je ne parle pas pour vous, » nous dit-il, et il commença bravement son récit, après s'être étendu en travers du feu. « Un soir d'automne, » nous dit-il, « j'entrai chez maître Hetzelius. » Le digne luthier était enfoui dans son grand fauteuil de cuir fauve, les pieds dans les cendres. Sa main ridée retenait machinalement une pipe éteinte, et sa belle tête fatiguée retombait sur le rebord du pupitre de sapin jauni. Je ne sais s'il m'entendit entrer ou s'il était déjà assoupi, mais il resta dans la même position, et ce n'est pas moi qui l'aurais dérangé. Nous en étions à ce point de bonne et indulgente intimité, où l'on peut passer ensemble des journées entières sans s'adresser la parole. C'est là une charmante habitude, entre paresseux surtout, et pour être un peu poète, ne faut-il pas être un peu paresseux? Je roulais près du feu une vieille chaise boiteuse et j'allumai une pipe de terre après avoir rempli mon remords de vin d'Iborne. L'air était chaud et lourd. À travers les vapeurs bleues de ma pipe pétillaient de petites étincelles. La lampe de fer suspendue au plafond jetait des clartés fantastiques et grâce au vin d'Iborne, je n'eus pas grand-peine à me persuader que d'invisibles petits lutins venaient fouetter de leurs ailes aiguës la mèche épuisée. Le vieillard restait toujours dans le même état d'engourdissement et de somnolence heureuse. Je pris plaisir à étudier ce qui se passait dans la tête ou dans le cœur d'Hetzelius, et j'essayai de percer le mystère de son sommeil. À force de le regarder dormir, il me sembla que je m'identifiais avec les secrètes pensées du luthier. Mes yeux s'obscurcissaient, et je perdais insensiblement le sentiment de la vie réelle, tout en ayant la conscience de mes sensations. Bientôt il se fit un grand bruit autour de moi, à ce que je crus. Tous les gonds et toutes les serrures se mirent à grincer, et les armoires du luthier s'ouvrirent à deux battants. Tous les instruments, jeunes et vieux, descendirent de leurs étagères et de leurs cases, et se rangèrent en cercle pour se donner le la. Puis ils préludèrent, chacun de leur côté et à leur façon. Le cor anglais répétait une idée mélancolique, simple et touchante, et le violon, un joyeux trémolo. Le violoncelle disait un chant austère et triste, la flûte une phrase douce et monotone, et l'octavin cadençait étourdiment des raies d'en haut, pendant que les viols jouaient en sourdine et les bassons en faux bourdon. Il n'y avait pas jusqu'au triangle qui, dans son coin, ne fit sa partie avec les cymbales. Tout ce qui pouvait rendre un son résonnait. Les anneaux des rideaux roulaient sur leurs tringles, toute la ferraille de la cheminée s'agitait en mesure, et les mascarons des chenets gonflaient leurs joues de bronze et poussaient un petit cri strident. Tous ces bruits se croisaient, se heurtaient en tous sens, et au milieu de toutes ces notes blanches ou noires, sourdes ou aiguës, les pianos jetaient des grappes d'arpèges et de tris au grand désespoir d'une harpe solitaire qui essayait un pizzicato italien. Au dehors, la tempête couvrait toutes ces rumeurs de sa voix puissante et terrible. C'était un bruit formidable, et pourtant, il me semblait que j'étais seul à l'entendre. J'avais des perceptions complexes. Mon organisation se dédoublait, et je n'entendais plus qu'avec les sens intérieurs. Tout à coup, ces mille voix se réunirent pour former un accord demi simple et sévère, et le final de la symphonie héroïque éclata magnifiquement. Hetzelius était toujours assoupi, mais j'entrai en communication intime avec lui, et je compris qu'il arrêtait la symphonie au point d'orgue. Nous comptâmes quatre pauses et l'orage de la pastorale retentit. Mais en même temps, Hetzelius déchaînait l'orage de Guillaume Tell. Il confondait magiquement en un seul toute la pensée des deux maîtres, et c'était là une musique d'une largeur et d'une puissance inouïe. La nature entière entrait dans l'accompagnement. Le vent qui s'engouffrait dans la cheminée soutenait les crescendo. La grêle tombait sur les vitres dépolies avec un bruit sec et clair de grelots et marquait un rythme bizarre. Les cloches du beffroi ducal sonnaient à pleine volée. Les cordées des pâtres de l'Agental et les quivides des sentinelles cachées dans leurs guérites chevronnées répondaient comme un écho lointain aux idylles du hautbois. Dans l'intervalle d'un soupir, j'avais remarqué sur le pupitre un vieux violon désarmé qui gardait le silence. Il était très bombé et son vernis verdâtre, tout saupoudré de débris de colophane, se dilatait à la chaleur et brillait d'un sombre éclat. La table et l'église étaient rayées de figures géométriques nouvellement tracées. Zélius avait laissé à côté son compas et son petit marteau d'acier aux manches tout bigarrées de taches de colle-forte. En voyant ce pauvre violon muet, je fus pris d'un sentiment de compassion et je le regardais avec une bienveillante sympathie. N'oubliez pas que j'avais bu comme un vaudois. Aussi ne fus-je pas surpris le moins du monde quand le violon m'adressa la parole. « Je t'ai compris, » me dit-il, « et je suis content de toi. Tu es digne d'entendre cette musique. Cette musique est très belle, en effet, mais ce n'est que de la musique humaine. « Eh bien, » lui dis-je, « révèle-moi la musique d'outre-tombe. J'ai l'esprit ouvert à toutes les impressions et de merveilleuses aptitudes à la crédulité. Allons, va, mon brave instrument. « Instrument, instrument !» me dit-il d'une voix grondeuse. « Ils disent tout cela, comme si ce n'était pas l'homme qui fut l'instrument. » Je pensais un instant que, pour parler avec tant de raison, le violon devait être aussi gris que moi. L'idée me souriait et je m'y arrêtais, remerciant Dieu d'avoir donné accès dans mon esprit à toutes les imaginations. Credo qui absurdum. « Instrument, instrument !» répétait-il avec humeur. « Ne serais-je pas autre chose ?» C'était son idée fixe, et je n'eus garde de l'interrompre. « Oui, je le sens bien, » dit-il avec véhémence. « J'ai une âme immatérielle et divine, et ce chétif morceau de bois, qu'ils appellent dérisoirement mon âme, n'est qu'un grossier symbole extérieur. La misérable barre d'acier qui conduit la foudre n'est pas la foudre. Dans leur orgueil, les hommes confondent tout, et quand ils ont emprisonné cette note dans une caisse de bois, ils se persuadent qu'ils ont créé cette note. L'homme n'a rien pu créer. Ses inventions ne sont que des découvertes. Ami, la musique, c'est le grand poème de Dieu, dont mon âme eut une strophe. Les choses idéales sont déposées en moi, et je le dis encore, avec un noble sentiment de fierté, l'homme n'est que l'instrument qui dégage les harmonies que je recèle. Ô Stradivarius, ô mon vieux maître, tu l'avais bien compris dans la grandeur et la simplicité de ton cœur. Je me souviens encore des nobles paroles que tu prononças à genoux, le jour où mon âme fut déposée dans ton œuvre. Mon Dieu, vous êtes venu à moi, t'écriais-tu dans un mouvement de pieuse reconnaissance. Et Stradivarius avait raison, m'écriai-je, c'était un homme religieux qui n'aurait pas blasphémé. Et j'en jure par Sébastien Bach, j'irai soutenir la thèse en pleine faculté. Et dût-on me priver à jamais du diplôme de maître S.A., je proclamerai à la barbe de tous les savants que l'homme n'est qu'une sorte d'archer intelligent. « Ces exaltations vont bien à la jeunesse, » me dit-il d'un ton paternel. « Ta définition est excellente et vaut mieux que celle de Platon. Par moments, tu me rappelles Franz, un noble et digne jeune homme que j'ai toujours aimé malgré ses fautes. « Albert, Albert, méfie-toi des femmes, elles t'apprendraient l'ingratitude. » Le violon me parlait avec cette insistance câline et cet accent d'autorité bienveillante des vieillards causeurs qui ont une histoire à raconter. Il tombait bien, car j'aime les contes comme un arabe. J'allais au-devant de ses désirs. « Allons, Nestor, lui dis-je, parle-moi de ce Franz. Il me semble que je le connais déjà. »« Volontiers, me dit-il. Je te raconterai plus tard la prise de Verdun. Contente-toi de savoir que j'étais venu de Verdun à Heidelberg, où Franz prenait ses licences. Nous nous rencontrâmes sur la place de l'université. Un soldat de Brunswick me portait en sautoir. Du plus loin qu'il nous vit, Franz vint à nous en courant et m'examina avec une curiosité enfantine. Il me donna quelques tapes familières avec l'articulation de la seconde phalange de l'index et se mit à jurer comme un païen en faisant résonner mes cordes. L'imprudent ne pouvait réprimer un premier mouvement de joie. Aussi, quand Franz parla de m'acheter, le soldat, tout bavarois qu'il était, se mit à finasser comme s'il se fût agi de la vente d'un Mecklembourg. Franz lui offrit tout ce qu'il avait d'argent sur lui. Le bavarois tint bon. L'étudiant eut alors un mouvement héroïque. Il détacha la magnifique pipe de Kumar qui pendait à sa boutonnière et l'offrit sans hésitation. Le soldat prit l'argent et la pipe, mais ne me lâcha pas. « Allons, bourreau, prends encore ce sac à tabac, » lui dit Franz en lui tendant une de ses jolies vessies de l'Ukraine, garnie de torsades et de glambert et or. Le soldat prit le sac avec le même sang-froid et resta sous les armes, immobile, comme si le prince Charles l'eût passé en revue. Franz était au désespoir. « Attends-moi là, » lui cria-t-il, « ou je te tue comme un philistin. » Et il se dirigea en courant vers l'extrémité de la place. Nous le vîmes bientôt revenir avec un énorme paquet de livres qu'il traînait à l'aide d'une corde. Il entra chez le libraire et en sortit au bout de quelques minutes avec une belle sacoche de toile grise, bien lourde et bien rebondie. « Es-tu content ? » dit-il au soldat. « Hugo, Aenesius et Warnen König, tout y a passé, tout jusqu'aux institutes et au corpus juris. » Le bavarois comprit qu'il n'y avait pas un créateur de plus à faire rendre à l'enthousiasme de l'étudiant. Il prit l'argent et me passa au bras de Franz. L'organiste, dit-il, m'en offrait beaucoup plus. Mais j'aime mieux vous la laisser à vous. C'est une politesse de soldat et étudiant. J'ai toujours eu beaucoup de goût pour votre état. Quand j'étais enfant, je passais mes journées à la porte des casernes. Je puis vous le dire à vous, si je n'avais pas été soldat, j'aurais voulu être étudiant. Franz ne l'écoutait plus depuis longtemps et nous étions déjà au bout de la place que le soldat parlait encore. Nous montâmes dans une petite chambre sous les toits et Franz me déposa sur son unique coussin. Trois chaises dépareillées, une bibliothèque dégarnie, deux sabres de bois, des fleurets cassés et quelques plâtres mutilés formaient tout l'ameublement. J'habitais des palais somptueux, dont les tentures étaient de soie et d'or, et où l'on n'arrivait que par des degrés de marbre sous des voûtes de jaspe et de porphyre. Mais à tout ce luxe inutile, je préfère la nudité de la petite chambre de Heidelberg, dont la fenêtre était encadrée par de si jolies cobéas. C'est qu'il n'y a que deux choses au monde, l'art et la jeunesse. J'ai le défaut d'interrompre tout le monde, même les vieillards. « Que me parlez-vous de jeunesse ? » dis-je au violon. « Ne devenez-vous pas meilleur en vieillissant ? » J'ai lu cela dans toutes mes chélonomies, et je vous renvoie au beau livre de François Lepro, luthier du duc de Wurtemberg. « Tu as raison, » me dit le violon, « nous devenons meilleurs en vieillissant. Les hommes ne peuvent pas en dire autant. Comme je ne veux pas t'humilier, je ne constaterai que ce point de supériorité du violon sur l'homme. Mais laisse-moi donner une leçon à ton amour-propre. Tu ne m'as pas interrompu que pour me faire comprendre en passant que tu possédais ton François Lepro. Je parierais bien que ton érudition est de fraîche date. C'est votre histoire à tous, et je te pardonne cette présomption d'écolier, qui trouve sous sa main la science toute faite. Les hommes sont tous vains et bavards. C'est tellement dans leur nature qu'ils donnent des diplômes aux plus vains et aux plus bavards, dont ils font des docteurs et des avocats. L'homme n'a de l'esprit que dans son silence. Le silence a une valeur en musique. La parole humaine est un non-sens. Car ce n'est pas toujours un son, mais un bruit. Pour me faire comprendre de toi, je suis obligé d'employer la parole humaine. Mais tu ignores tout ce que je souffre en me servant de cette langue vulgaire. Si tu le savais, tu ne prolongerais pas mon supplice par tes continuelles interruptions. Je me gardais bien de répondre et le violon continua son récit. Franz me fit cadeau de quatre cordes de Naples et d'un charmant petit sillet d'ivoire. Nous nous mîmes à jouer l'andante de la symphonie en la, et je fus aussi content de lui qu'il l'était de moi. Nous ne nous reposâmes qu'au lever du soleil après avoir joué cette symphonie. Ce fut une nuit pleine de délices et de jouissances infinies. La semaine se passa ainsi. Tous les soirs, Franz revenait de la taverne en chantant. Il ouvrait son cahier de Beethoven et m'appuyait sur son cœur. De grosses larmes roulaient dans ses yeux. Toute son organisation frémissait divinement. Nous chantions et nous pleurions ensemble, et mon âme passait dans la sienne. Une semaine s'écoula. Un soir, Franz rentra avec un air triomphant et de mauvais ton que je ne lui connaissais pas. Il prit sa belle redingote verte, se parfuma comme une femme, et passa une heure devant sa glace fêlée à tailler sa barbe et à boucler ses cheveux. Puis il sortit, sans m'adresser la parole, en faisant siffler sa cravache. Ses éperons d'argent résonnèrent sur les dalles du corridor. Il s'arrêta un instant. Je crus qu'il allait revenir, mais le bruit s'éloigna et je compris que Franz était bien parti. Mon cœur se serra, et je tombai dans une inquiétude douloureuse. Je l'attendis en vain toute la nuit. Le lendemain, je l'attendis encore. Mais il ne vint pas. 8 jours se passèrent ainsi, 8 jours d'abandon et de tristesse profonde. Enfin, il rentra, pâle, égaré et la chevelure en désordre. En le voyant dans cet état, je ne me sentis pas la force de lui faire des reproches. « Mon seul ami, me dit-il, toi seul m'es resté fidèle. » Il me prit dans ses bras, ses yeux se remplirent de larmes, et nous attaquâmes largement la 9e leçon de Jérémie. Nous reprenions lentement la première phrase de cette mélopée déchirante quand la porte s'ouvrit, et une jeune fille entra en dansant, le poing appuyé sur sa basquine de velours. Elle était grande et fière. Elle y avait dans son regard tant de passion, d'insolence et de charme que je compris vite la tristesse et la joie de mon pauvre Franz. « Franz, dit-elle avec un doux geste, Franz, je vous pardonne. » Et les deux jeunes gens s'embrassèrent en riant. Franz me tenait toujours à la main. « Laisse-la, lui dit-elle, laisse-la ce vilain violon. Rions et aimons-nous. » Elle prit son tambour de basque et se mit à danser une sarabande avec Franz. À chaque instant, ils s'embrassèrent, se poursuivaient et s'embrassaient encore. Ne se reposant que pour allumer une cigarette, et jusqu'à l'aube, je n'entendis que de vives et joyeuses paroles, d'agaçantes provocations et tous les éclats de cette gaieté folle qui me remplissait de tristesse. J'étais déjà jaloux de cette femme et sa joie me faisait mal. Le lendemain, Franz ouvrit l'œuvre de Sébastien Bach et, saisissant son archet, commença l'oratorio de la Passion. « Oh, la froide et maussade musique !» disait la rieuse enfant. « Bel étudiant, jouissons de nos jeunes années. Nous aurons bien le temps de pleurer quand nous serons vieux, pauvres et cassés. Laissons ces tristes rêveries aux théologiens malades qui ne savent ni boire ni aimer. » Franz voulut résister, elle se fâcha. Alors il essaya une ritournelle de menuet. Mais la ritournelle se transforma en chant lugubre. Je luttai contre Franz. Bien d'autres m'avaient profané et je l'avais souffert. Mais être profané par Franz, je ne le voulus pas. Et quand je vis que j'allais être vaincu, je brisai mes cordes. Stella me jeta dans son coin et vint se pendre au cou de Franz avec un fol éclat de rire. Depuis, Franz ne me prit plus que lorsqu'il était seul. Il m'approchait de son cœur et nous commencions notre dialogue mystique. Mais je n'ai plus retrouvé les joies des premiers jours. Dès les premiers moments de cette divine extase, Stella arrivait toujours avec son rire strident qu'accompagnait si bien l'infâme tambour de basque. Elle enlaçait Franz dans ses bras, le couvrait de baisers, et j'étais abandonné. Franz essayait toujours de me défendre, mais il finissait toujours par céder. Son demi-courage me perdit. Un beau jour, Stella, impatientée, me roula dans un horrible madras rouge et me porta chez un vieux juif de Winterthur. « Oh, Franz, vous étiez poète, et mieux que cela encore, vous étiez musicien. Et à toutes ces choses saintes de l'art, vous avez préféré les profanes amours d'une saltarella des Espagnes. Qu'est-ce donc que l'humanité, si les plus nobles et les plus beaux de ses enfants en viennent là ?» Le pauvre enfant fut bien puni. J'ai appris qu'au bout de quelques jours, Stella s'était sauvée avec un Kaiserlitz. Et le soir, en rentrant chez lui, triste et fatigué, Franz n'eut plus personne à qui il pût dire comme autrefois « Mon seul ami, toi seul m'es resté fidèle. » Les hommes ont osé comparer l'art et l'amour, mais la science est chargée de venger l'art humilié. Et voilà que déjà l'amour même échappe à l'homme. Déjà, l'anatomie déchire le cœur humain, et je vous le prédis, grâce à la dissection psychologique, le raisonnement remplacera le sentiment. Le violon se tut. Il y avait de l'amertume dans ses dernières paroles. Dans la crainte de nouvelles boutades, je respectais son silence. Il semblait s'être recueilli dans un souvenir triste et doux, et ce ne fut qu'au bout de quelques minutes de rêverie qu'il reprit son récit. « Enfant, me dit-il, tu désires savoir quelle a été ma vie depuis que je suis sorti des mains du grand luthier de Crémone. J'ai été témoin de bien des faiblesses et de bien des lâchetés. Ce serait une longue et triste histoire que j'aurais à te raconter. Mais pourquoi le ferais-je? L'expérience d'autrui n'a jamais servi à personne. Tu es condamné à vivre, et ta vie te révélerait des mystères de honte dont la connaissance flétrirait ta jeunesse. Le bonheur de l'homme n'est que dans l'ignorance de l'avenir, et malheur à celui qui présente à l'enfant ébloui le fruit amer de l'arbre de la science. Nous n'avons plus d'ailleurs que quelques heures au plus à passer ensemble. Déjà Etzelius s'agite dans son sommeil. Je pressens qu'un mystérieux rapport existe entre lui et moi, et quand il rentrera dans la vie réelle, je sortirai de l'humanité. Stradivarius me regardait comme son fils de prédilection et voulait me garder pour la consolation de ses vieux jours. Mais ces misérables questions d'argent viennent toujours se mettre en travers des projets les plus chers. Le maître était un véritable artiste, fort mal dans ses affaires, et il se vit obligé de me céder à un gentilhomme italien nommé, je crois, Gaetano, et dont toutes les femmes étaient folles. Gaetano disait à qui voulait l'entendre qu'il était un grand compositeur. Et l'on se gardait bien de le contredire, car ses soupers étaient splendides et il acceptait les dédicaces de tous les poètes faméliques. Il daignait me prendre quelquefois pour jouer ses opéras bouffes, et j'avoue à ma honte que je n'éprouvais aucune indignation. Cette innocente musique de grand seigneur m'amusait beaucoup, et je croyais par moments qu'il me lisait des bergeries. Nous ne restâmes pas longtemps ensemble. Mon gentilhomme jouait comme un Landsknecht. Il avait pour adversaire habituel un Napolitain qui le volait avec beaucoup de grâce. Après une terrible partie de dés qui avait duré toute la nuit, Gaetano, complètement ruiné, me mit pour dernier enjeu et me perdit comme il avait perdu son hôtel, ses cheveux et sa maîtresse. Les dés étaient pipés et Gaetano ne s'en aperçut que lorsqu'il n'eut plus rien à perdre. Les deux joueurs dégainèrent et mon maître fut tué au deuxième dégagement. Quand il fut bien mort, les sbires arrivèrent et s'emparèrent du Napolitain. La justice s'empara de l'hôtel, et le président eut la bonté de me donner l'hospitalité. Je restai chez lui sans être inquiété. L'intègre magistrat se surfait un cas de conscience de me céder à moins de 200 sequins. Il arriva que le président fut pendu comme concessionnaire. L'avocat qui l'avait défendu si brillamment voulut conserver un souvenir de son malheureux ami et m'emporta chez lui. Il me rendit bientôt à un maître de musique qui, pendant 2 ans, me fit exécuter ses compositions savantes et ses fugues interminables. Heureusement que ce misérable eut l'idée de venir à Paris pour y faire une révolution musicale. En passant sur le Pont Neuf, il fut proclamé un grand homme par 4 hommes d'esprit qui lui offrirent leur service. On entra dans un cabaret, le professeur se grisa et se réveilla dans un état de nudité qui le remplit de honte. Je fus cédé à un riche mendiant qui me revendit un musicien de la foire Saint-Germain nommé Laverdeur. Laverdeur fut racolé un jour sur le quai de la ferraille et nous fîmes ensemble la campagne d'Espagne. Fait prisonnier à Lérida, je tombai dans les mains d'un carme espagnol qui était venu soigner les blessés sur le champ de bataille. Le carme donna un moine de son ordre qui se rendait en France. Le carme français me céda un Augustin, l'Augustin a un Camaldule et le Camaldule a un Dominicain. Je restai Dominicain jusqu'à la Révolution française et je passai dans le silence des cloîtres les années les plus calmes et les plus insouciantes de ma vie. Je n'attendais pas sur cette terre la réalisation de mes rêves et le repos était pour moi le bonheur. Aux offices, j'accompagnais la psalmodie et si je ne ressentais aucune de ces émotions divines de la passion que Franz devait me révéler, j'éprouvais tout le charme de la résignation dans cette musique lente, grave et monotone, qui réfrénait les désirs et les ensevelissait dans son harmonie sépulcrale. Un jour, il se fit un grand tumulte à la porte du cloître. Les moines se réfugièrent dans l'église. La cloche sonnait comme au jour des morts. Des cris terribles éclataient dans le lointain. Les portes cédèrent, et des hommes déguenillés entrèrent en chantant un hymne magnifique. Le couvent fut mis à sac. On dansa toute la nuit sur les ruines. Le chef de ces furieux danseurs, un capucin défroqué, me prit avec ses mains rouges de sang et se mit à jouer des carmagnoles. Le lendemain, la même scène recommença, et pendant 1 mois, je fus le complice de tous ces crimes et de toutes ces profanations. Heureusement que les Prussiens arrivèrent, je fus délivré, et je ne sais comment, un soldat de Brunswick me céda mon bien-aimé Franz. L'invasion fut un acte de justice et de réparation. Le monstrueux égoïsme du violon me révolta, je l'interrompis avec colère. « Oublies-tu, lui dis-je, que mon père était un soldat de Sambre-et-Meuse ? Je le sais, me dit-il. Etzelius aussi avait son père à l'armée de la Moselle. Il n'en était pas meilleur musicien pour cela. Avec toute leur bravoure, ils n'auraient pas trouvé la plus pauvre modulation pour passer d'un ton dans un autre. Tu sauras un jour que les arts n'ont pas de patrie. » Tu viens, lui dis-je, de mettre naïvement à nu le côté faible des artistes. Mais tous ne sont pas ainsi, malgré les enseignements de nos philosophes humanitaires. Et j'en sais plus d'un qui donnerait son sang pour que les femmes de la cité ne fussent pas condamnées à la honte de voir la fumée des camps ennemis. Ils se souviennent que Tyrthée chantait ses hymnes sur les champs de bataille de la patrie. Tyrthée, les Grecs, n'étaient que des sots, me répondit le violon, ils chantaient à l'unisson. Qu'est-ce d'ailleurs que la patrie? Qu'as-tu de commun avec tes concitoyens? Me feras-tu croire un instant que tu vis de la vie de 32 millions d'hommes? Tout ce que tu me dis là, repris-je, n'a pas même le mérite de la nouveauté. Depuis longtemps, on nous parodie fort agréablement le mot de Caton défaillant, et nous avons des journaux et des professeurs fort habiles pour nous apprendre que la patrie n'est qu'un mot. Continue pourtant. Tout à l'heure, la grandeur de tes idées m'humiliait. Et je suis fier de reprendre, par le cœur, ma supériorité sur toi. Continue, te dis-je, ce rôle te va bien. Ta misérable nature méridionale s'est réveillée. Tu étais bien digne de naître sur cette terre banale d'Italie, qui garde tous ses enchantements pour l'étranger, tandis que ses véritables enfants meurent sur les chemins de l'exil. Mais tout se tient dans l'harmonie sociale. Voici que déjà ton Italie a perdu le véritable sentiment musical. Et les religieux mystères de l'art sont maintenant célébrés par la forte et patriotique Allemagne. Le violon était ébranlé. Ce mot de patriotisme était nouveau pour lui. Et soit que cette grande idée le pénétrât, ou qu'il voulut éviter une discussion fatigante, il sembla vouloir me faire quelques concessions et perdit ce ton d'arrogance qu'il avait eu jusqu'alors. « Ne va pas croire, me dit-il, que je ne comprenne pas les émotions de la bataille. » C'est une noble et belle chose qu'une bataille. L'homme n'apporte de sa grandeur que dans les œuvres de destruction. Je t'ai parlé de la Verdeur, avec qui j'ai fait la campagne d'Espagne. Nous sommes trouvés ensemble au siège de Lérida. J'ai vu le grand Condé, un fier et noble jeune homme, plein d'audace et de confiance. Il tenait d'une main son chapeau ombragé de plumes blanches et de l'autre étendait son épée étincelante. Les Biscayens sifflaient autour de lui. Les grenades enflammées tombaient à ses pieds. Il restait là, calme et souriant, le coude appuyé sur la selle de son cheval frémissant. Le soleil inondait le camp de lumière. C'était un spectacle grandiose. Les drapeaux se gonflaient et les 1000 pavillons des tentes se déployaient brillamment. Les fanfares sonnaient, les canons roulaient sur leurs affûts et les chevaux hennissaient d'impatience. Les bataillons s'ébranlèrent et le prince vient à nous. « Messieurs les violons, nous dit-il d'une voix brève et ferme, « Messieurs les violons, faites votre devoir. » Un cri de joie retentit. Nous attaquâmes vivement l'air de Henri IV et nous nous élançâmes en tête de la maison du roi qui allait donner. La mêlée fut terrible. Le choc des escadrons, les détonations de l'artillerie, les cris de mort et de victoire, toutes ces harmonies sauvages me transportaient d'enthousiasme. Et je respirais avec ivresse l'âcre odeur de la poudre. Je compris alors qu'il n'y a que deux états possibles, celui de musicien ou celui de soldat. Le brave Laverdeur n'était pas précisément un grand musicien. Je doute même qu'il me préférât de beaucoup au tambour, mais il y avait dans son jeu tant d'ardeur et d'entrain, je pourrais dire tant de courage, que nous fîmes merveille tous les deux. Avec du cœur, on se tire toujours d'affaire. J'y mis du mien, et notre jeu fut d'une vivacité, d'une hardiesse surprenante. Les carrés espagnols étaient enfoncés. Les lignes ennemies se reformèrent à 200 pas, et la cavalerie vint nous charger à fond de train. La Verdeur brisa son archet sur la figure d'un dragon d'Andalousie, saisit à terre une lance et s'élança au plus fort de la mêlée en m'agitant de la main gauche. La balle qui me frappa l'atteignit à la tête, et nous tombâmes ensemble. Il me défendit courageusement, et quoiqu'il eût reçu un second coup de feu dans le bras, il ne voulut jamais m'abandonner. Intrépide jeune homme, son dévouement fut inutile, un obus jeta le désordre dans les rangs, amis et ennemis nous marchèrent sur le corps. Le lendemain, nous fûmes relevés sur le champ de bataille par des carmes espagnoles. La verdeur fut portée en terre, et je pris place au lutrin. Vous savez la suite de mon histoire. Et que fit de vous le juif de Winterthur, chez qui vous avez porté Stella, la folle ballerina? Le vieux juif, quelque matois qu'il fût, ne me reconnut pas, et me vendit pour quelques thalers à un perruquier français, professeur de littérature et de belles manières à Fribourg-en-Brisgau. Son fils, âgé de 12 ans, s'empara de moi et ne me laissa pas une heure de repos. Son père le battait comme un Prussien. Lui, pour se venger, battait son frère et jouait du violon à tour de bras, nuit et jour. Enfant maudit ! Pendant 8 mois, il me fit subir les plus affreuses gammes que les démons aient pu inventer. Heureusement que la police s'en mêla. Le perruquier, ayant fondé un journal de mode et d'économie politique, fut dénoncé à la censure et ramené à la frontière par 4 lindiègres. Un archéologue m'acheta et me pendit respectueusement au croc d'une pertuisiane entre un alde et une rondage du XIIIe siècle. Il se serait bien gardé de me toucher une seule fois. Mes cordes se détendirent, la poussière me recouvrit et je dormis un sommeil de 6 ans. Par malheur, l'archéologue se ruina en achetant des antiques fabriquées à Naples. Les huissiers envahirent le musée et je fus vendu à l'encan avec la ferraille et les bouquins. Je me rencontrai sur les planches avec un de mes frères, qui, probablement, logeait dans une autre salle. J'éprouvai, en le reconnaissant, une impression de joie ineffable. L'amitié allait enfin m'être révélée. « Frère, lui dis-je tout bas, te souviens-tu de Crémone, notre commune patrie ?»« Mais c'était un orgueilleux violoncelle, un des 12. »« T'ai-je parlé, vil bâtard ?» me répondit-il en se détournant avec dédain. Vous savez qu'on dit les 12 violoncelles du maître comme on dit les 12 Césars. Certes, c'est là une noble aristocratie, mais rien n'excuse la sécheresse et l'arrogance du cœur. Cet accueil m'attrista profondément, et je n'eus plus que de l'indifférence pour toutes les alternatives de ma malheureuse destinée. Je passai de main en main, triste et résigné, et j'oublie le nom de tous mes maîtres. Je ne me rappelle qu'une de mes épreuves les plus pénibles, la musique bourgeoise du postillon de Longjumeau. Une dernière douleur m'était réservée. Le cornet à piston fut inventé. Pendant 2 ans, j'ai joué des quadrilles épileptiques avec cet odieux instrument, bien digne d'avoir pour collaborateurs des pistolets d'arçon et des chaises cassées. Du temps de Condé, on allait au feu, en chantant des airs de danse ou d'amour. Cette grâce insouciante, leste et vive, était bien dans le caractère français. Maintenant, pour danser, votre jeunesse épuisée a besoin d'une musique furieuse qui donnerait du courage à un banquier. J'ai cru trouver un artiste dans Hetzelius, mais ce n'est qu'un savant. À toutes les heures, ce froid et cruel expérimentateur torture mon corps. Il n'y a pas une partie de moi-même que son hideux compas n'ait rayé. Il fait sur moi de l'anatomie musicale. Stradivarius était un homme d'inspiration et de sentiment. Hetzelius, pâlis sur tes livres, reproduis les courbes mystérieuses, use ton intelligence et ton activité, la vieillesse te surprendra et rien ne t'aura été révélé. Mais quand viendra le jour de ma délivrance? Ô noble élève d'Amati, pardonne-moi ces paroles, mais je me sens à l'étroit dans le corps que tu m'as donné. Mon âme pressent son idéal. Qui donc viendra briser ma prison mélodieuse? La tempête grondait au dehors avec un bruit terrible. « Quelque chose d'inconnu se passe en moi !» s'écria le violon. « Ma forme matérielle m'échappe. À vous, les seuls artistes que j'ai rencontrés, à vous, Franz et la Verdeur, mes dernières pensées !» Le vent redoublait de colère. Un éclair illumina la chambre. La fenêtre agitée avec violence s'ouvrit brusquement et la rafale entra en tournoyant dans la salle. Le pupitre tomba à nos pieds et nous nous levâmes en sursaut. C'était peut-être un Stradivarius, dit le luthier, en regardant avec tristesse les 1000 débris du violon. Oui, maître, lui dis-je, c'était bien un Stradivarius, et je lui répétai le récit que vous venez d'entendre. Vous me racontez mon rêve, me dit Hetzelius, avec le plus grand sérieux. Ainsi s'achève la dernière heure d'un Stradivarius, par Jules de la Madeleine.